Ok, soyez très bénis, très bénis, très bénis, très bénis ce soir, si c'est la matinée, si c'est la soirée, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que c'est une veillée de prière, d'évangélisation. Nous nous fêtons pas Noël, comme je l'avais déjà dit. Nous annonçons Christ pour ceux qui ne le connaissent pas et nous fortifions également ceux qui le connaissent déjà. Mais le thème de cette veillée, ma vie n'est pas à vendre. Ma vie n'est pas à vendre. Ta vie n'est pas à vendre. Vous savez, Dieu prend plaisir à tracer une ligne de démarcation entre les étrangers et ses fils et aussi ses filles bien-aimées. Il a tracé ce qu'on appelle une ligne de démarcation. Donc, ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent pas toucher ceux qui sont dans le royaume des cieux. De l'autre côté, c'est le royaume de Satan. Ce sont des sorciers, ce sont ceux qui ont sacrifié ta vie depuis ta naissance. Pendant que les gens du monde minent, c'est-à-dire essaient de vous détruire, essaient de créer la confusion dans votre vie, Dieu déclare que ta vie n'est pas à vendre. Ta vie n'est pas à vendre. Adam avait vendu la vie de toute l'humanité à Satan. Et Satan est devenu qui? Le patron de ce monde. Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui sont au Temple Nation, je sais qu'il y a de grandes veillées au Temple Nation. Que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, que ce soit les autres temples des nations qui existent, et aussi beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les différents temples des nations. Si tu me suis, tu es déjà dans le temple des nations. Alors, lorsque les gens vont se mettre ensemble pour essayer de vendre votre vie, de sacrifier votre vie, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Vous voyez, c'est une parole de Dieu. La main des méchants ne pourra jamais te toucher, ta vie n'est pas à vendre. C'est le thème central de ce soir parce que les fêtes de Noël, c'est pour vendre vos vies. Et tout ce que vous voyez comme manifestation par le canal de ceux qui existent dans ce monde cette nuit, que ce soit ceux qui sont dans les églises, soi-disant entre guillemets les églises pour prier depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ils n'ont pas mis pied à l'église. C'est seulement cette nuit qu'ils sont partis à l'église, soi-disant célébrer la naissance de Jésus-Christ. Leur vie est à vendre. Ils ont été vendus à qui? À Satan. Et d'autres également, dans leur ignorance, sont dans les temples, prétextant qu'ils célèbrent la naissance de Jésus. En même temps, ils sont dans les églises de réveil. Mais leur vie est véritablement à vendre et a été vendue. Alors, vous voyez cette corde maléfique de méchanceté, de péché, d'iniquité, bloquant ta communion avec le ciel, parce que tu communies avec la terre, dont les démons, avec le royaume des ténèbres. Lorsque tu célèbres cette fête comme fête de Noël, c'est la naissance de Jésus, tu es en train de communier avec le royaume des ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? C'est une fête de Bélial, dont toute autorité des ténèbres sur laquelle tes richesses et aussi ta bénédiction sont basés à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais à vendre. Ta vie spirituelle ne sera plus jamais à vendre. Ta vie financière ne sera plus jamais à vendre. Vous savez, on appelle certains régimes au Cameroun le con, le famla, c'est-à-dire les gens qui vendent les âmes à Satan pour s'enrichir. C'est pas seulement le con ou le famla, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans les cercles mystiques aujourd'hui. Qui passent le temps à coucher avec vous dans les rêves ou bien physiquement. Ils ont beaucoup d'argent et comme Satan sait que la femme a besoin, aime l'argent, les femmes aiment beaucoup de sous, ils aiment l'argent. Et aussi les hommes aiment l'argent. Alors, ils déverse des richesses, des tonnes de richesses à ceux qui le suivent. Il n'y a personne qui peut me démentir là-dessus, puisque Satan avait, bien sûr, proposé cette richesse, cette gloire à Jésus-Christ. Que si tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses. Et ceux qui adorent Satan reçoivent également ces richesses, mais en compensation, il faudrait que Satan, il faudrait que eux, qu'ils sacrifient, qu'ils vendent les âmes à Satan. Et c'est pourquoi je te dis ce soir que ta vie n'est plus à vendre. Parce que tu ne pourras pas, à partir de maintenant, tu ne peux pas donner ta vie à Satan par rapport à une convoitise charnelle parce que tu as besoin de l'argent et tu vas coucher avec un homme ou bien tu vas coucher avec une femme parce que tu as besoin d'argent. C'est pourquoi j'ai dit ta vie n'est plus à vendre. Mais tu peux vendre ta vie volontairement à cause d'une convoitise certaine. Parce que tu aimes la fête de Noël, par exemple, c'est pourquoi tu acceptes manger la nourriture ou bien les viandes sacrifiées aux idoles par le canal de ceux qui vont t'inviter cette nuit. J'ai dit par le canal de ceux qui vont t'inviter demain matin à boire avec eux, à manger avec eux, sous prétexte que vous célébrez la fête de Noël. Donc ta vie est véritablement à vendre. C'est toi-même qui viens d'accepter de vendre ta vie à Satan. Et je précise, tout pouvoir des ténèbres qui a arrêté ton ministère, qui a arrêté ton entreprise, qui a arrêté ta santé, qui a arrêté quelque chose qui progressait dans un sens normal, positif dans ta vie, et cela a été arrêté, à partir d'aujourd'hui, ta vie n'est pas à vendre. Et à partir d'aujourd'hui, tu récupères tout cela et c'est sa vie qui sera vendue. Je précise bien, c'est sa vie qui sera vendue. Vendu. Vous pouvez partager vos vidéos, s'il vous plaît, cette vidéo. Arrêtez-vous et commencez à partager la vidéo, que ce soit ceux qui nous regardent au Temple Nation Cameroun, que ce soit ceux qui nous regardent en direct. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une notion tout à fait particulière. Vous tous, je précise, toute chair ou tout démon, vous devez être réduit au néant. Toute chair qui va s'élever contre toi, tout démon qui va s'élever contre toi, pour pouvoir mettre ton nom dans une liste de ceux qui seront vendus jusqu'au 31 décembre, ton nom sera effacé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu es branché avec l'onction des jours, l'onction de la Pentecôte, parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et chaque tête avait reçu une flamme. La flamme n'est pas tombée sur une seule flamme, n'a pas touché toutes les têtes. Mais chaque tête a reçu une flamme. Et chaque personne qui regarde cette vidéo est en train de recevoir la flamme du Saint-Esprit individuellement. Ça veut dire que toi, tu ne peux plus jamais être à vendre à partir du moment où tu regardes cette vidéo, tu ne peux plus jamais être à vendre. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec contre celui loin de l'Éternel, contre son nom? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leur châtiment, de leur chaîne, à partir du moment où la Bible précise que ce prince nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire et que rien ne peut nous embêter, rien ne peut nous déranger. Donc je décrète que je n'aurai pas peur de 10 000 personnes qui se lèvent contre moi. Tu ne dois pas avoir peur de 100 000 personnes qui se lèvent contre toi, d'un milliard de personnes qui s'élèvent contre toi parce que tu n'es plus à vendre. Même s'il y a des vendeurs d'âmes dans ta famille, même s'il y a ceux qui livrent des gens aux cons, aux femmes là, ou bien des gens qui parcourent les subconscients des autres, les esprits des autres dans les rêves pour coucher avec eux dans les rêves et vendre leur âme à Satan, à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne pourras plus avoir ce genre de problème. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ta tente Au son de la trompette, je chantirai, je célébrerai l'Éternel. J'offrirai les sacrifices dans ta tente. Et ton corps est le premier sacrifice. Je précise, ton corps est le premier sacrifice, comme Romains chapitre 12 le dit. Dans ton corps comme un sacrifice vivant. Dans ton corps comme un sacrifice vivant. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, dit ceci. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, aucune puissance dans le monde n'a plus autorité sur toi, car celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas droit de dormir cette nuit. Tu dois rester éveillé jusqu'à ce que nous puissions anéantir tous tes ennemis, que tu fasses de tes ennemis ton marchepied cette nuit. Cette nuit, beaucoup de mensonges ont été déversés dans le monde entier au sujet de la fête de Noël. Soi-disant, Jésus est né le 31 décembre. Je prends autorité sur ce jour, le jour que le mensonge a été fabriqué dans le laboratoire de Satan pour pouvoir perdre les âmes, pour pouvoir récupérer même les âmes qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, toi, ta vie n'est plus à vendre. Comment Satan achète les vies? Par le mensonge. Il avait trompé Adam, il a acheté la vie d'Adam. Il a trompé Ève, il a acheté la vie d'Ève. Et beaucoup de personnes, soi-disant enfants de Dieu, sont vendues à Satan par rapport à ce mensonge qui est basé sur la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né le 25 ou le 24 décembre. Jésus-Christ a ordonné de célébrer sa mort et sa résurrection. Par sa mort et par sa résurrection, je reçois le Sauveur dans ma vie. Je ne reçois pas le Sauveur par sa naissance, mais c'est par sa mort et sa résurrection, comme je l'avais déjà dit auparavant. Je programme donc les bénédictions dans le ciel pour ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce que ta vie n'est plus à vendre. Et je précise que je programme les bénédictions dans le ciel, dans ta vie. Il y a des temps de bénédictions, mais le jour du 24, toutes ces bénédictions sont vendues à Satan. Vous savez pourquoi? Dieu précise dans sa Bible, Jésus-Christ a dit que le diable est un voleur. Comment il vole les soi-disant enfants de Dieu? C'est pas des tromperies. C'est pourquoi Paul nous avertit en disant, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions. Noël est une tradition des hommes. Noël en question, c'est une tradition des hommes. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, nous donne cet avertissement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous êtes la proie de Satan et il achète les âmes. Il achète votre argent. Il vole votre argent. Il vole votre santé. Il vole également votre prospérité. Il vole votre vie professionnelle, votre entreprise. Par le canard de ce genre de fête. Et vous savez, aujourd'hui, nous entrons déjà vers le 25. Et d'ici le 31, ceux qui sont en train de célébrer Noël, aujourd'hui même, ils ont tout perdu. Et les sorciers ont vendu leurs âmes à Satan. Seulement le fait que tu as bu l'alcool au nom de Noël, tu as bu les jus au nom de Noël, tu as mangé au nom de Noël, tu as acheté certaines choses au nom de Noël, dont tu as vendu ta prospérité à Satan par le canal des sacrifices. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été vendu dans ta vie depuis les origines, avant que tu ne découvres que Noël était un mensonge de Satan, c'est par là qu'il achète des âmes, tout ce qui a été vendu dans ta vie est déjà racheté par le sang de Jésus-Christ. Je précise que c'est déjà racheté par le sang de Jésus-Christ. Toi, jour d'aujourd'hui, tu ne détruiras pas ma prospérité. Toi, jour d'aujourd'hui, dans la manifestation d'aujourd'hui, satanique d'aujourd'hui, tu ne détruiras pas ma prospérité. Tu ne détruiras pas mon mariage. Tu ne détruiras pas ma vie. Par la puissance du mensonge basé sur le nom de Jésus, sur la naissance de Jésus-Christ. C'est un mensonge. Jésus n'est pas né le 31 décembre. À partir de ce soir, soleil, à ton apparition de ce matin, que j'aurai déjà emmagasiné tout ce que le diable m'avait volé dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps physique. Il a volé la santé. À partir d'aujourd'hui, je programme les bénédictions que par la puissance des dieux lune, des dieux soleil. Le diable a volé. Le dieu lune, le dieu soleil a volé. Vous savez, quand vous adorez le soleil, quand vous adorez Noël, ça veut dire que vous adorez le dieu soleil. Vous adorez le dieu soleil. Et c'est un gros démon. Et ce gros démon a volé tout, vous a dépouillé. Il a dépouillé toute votre bénédiction. Il a dépouillé les bénédictions de vos parents. Il a dépouillé les bénédictions de vos ancêtres. Et votre famille est condamnée à la pauvreté. Votre famille est condamnée à la misère. Votre famille est condamnée sur toutes sortes de avec toutes sortes de pratiques. Donc à partir d'aujourd'hui, les cieux, vous n'allez pas voler. Les cieux, le deuxième ciel, parce que la Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et tous ceux qui sont en train de fêter Noël, sachez que vous êtes considérés devant Dieu comme des fils de la rébellion. À partir de maintenant, le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui sont en table de nation, commencez à partager, s'il vous plaît. À partager. Ils se lèvent tôt le matin et font le programme du jour, un programme de destruction contre toi. Ils se lèvent tard, ils se couchent tard dans la nuit. À partir de minuit, ils font le programme de destruction, le programme de destruction de ton mariage, le programme de destruction de ta vie, le programme de destruction de tes relations, le programme de destruction de tes entreprises, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité sur ce jour, au nom de Jésus. Je me saisis des ressources célestes. Je me saisis de la puissance céleste, de l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète que tous les ennemis de ce jour qui coopèrent avec les puissants des ténèbres pour te détruire, tous ces ennemis sont déjà vaincus au nom de Jésus-Christ. Partagez encore. Et cette parole ne concerne que ceux qui partagent. Si vous ne partagez pas, ça ne vous concerne pas du tout. Parce que Dieu est un Dieu d'un homme d'affaires. S'il gagne les âmes derrière toi, il te bénit comme moi. Il gagne beaucoup d'âmes derrière moi. C'est pourquoi lui me bénit toujours. Il me guérit quand je suis malade. Il me soutient. Il me protège. Il m'a donné tout ce qui existe comme meilleur dans ce monde. Donc je retire ce jour d'entre leurs mains. Je retire ce jour entre leurs mains. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a volé quelque chose dans ta vie par le cadeau de ton père, ta mère, les ancêtres. D'une manière ou d'une autre, il n'y a personne dans cette vie, il n'y a personne aujourd'hui qui peut me dire qu'on n'a rien volé, on n'a pas volé. Non, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi avait volé quelque chose. Donc aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit, ton avenir est sécurisé en Christ. Ton avenir est sécurisé dans le sang de Jésus-Christ. Et il n'y aura pas de pauvreté de corps d'âme. Il n'y aura pas de pauvreté d'esprit. Il n'y aura pas de pauvreté dans les finances. Il n'y aura pas de pauvreté dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu reçois de la bouche de la sagesse auquel Dieu m'avait établi. Et tu reçois de ma bouche une délivrance. Tout combat des lieux célestes soit déjà gagné, tout combat du prince livré par le prince des ténèbres, il a déjà perdu et toi tu as déjà gagné par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le soleil à ton apparition, le soleil d'aujourd'hui à ton apparition, tout ce que le Dieu soleil a volé, il garde ça là-bas. Tu récupères tout cela. Et tout ce qu'il a planté dans ton âme est déjà déraciné. C'est un dieu soleil, c'est un gros démon que les sorciers adorent, que les ignorants adorent par le canal de la fête de Noël, soi-disant fête de Noël. Et je proclame maintenant les bénédictions qui ont été cachées dans le soleil, les bénédictions, tes bénédictions qui ont été cachées dans la lune, dans les étoiles, à partir d'aujourd'hui. Et c'est là-bas que beaucoup de sorciers vont garder les bénédictions des autres, des enfants de Dieu, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. À partir d'aujourd'hui, tu récupères toutes ces bénédictions qui sont gardées dans les étoiles, qui sont gardés dans la lune, qui sont gardés dans le soleil. Beaucoup de sorciers dans ta famille, beaucoup de sorciers dans la société, ils vont garder tes bénédictions dans la lune. Ils vont garder dans la lune, ils vont garder dans les étoiles, ils vont garder dans le soleil les astres à partir d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous entendez souvent dans l'horoscope, on vous donne des noms Neptune, Saturne, des conneries comme ça. Et c'est là-bas qu'ils gardent vos bénédictions. C'est là-bas qu'ils invoquent ces démons parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils gardent vos bénédictions. Et tous ceux qui ont observé, tous ceux qui ont suivi l'horoscope, sachez que ce soit avant votre conversion ou après votre conversion, et que vous aviez suivi l'horoscope, et sachez que vos bénédictions, votre mariage, votre argent, vos diplômes sont cachés là-bas, dans les astres, dans les astres. Je dis bien dans les astres. C'est là-bas que vos bénédictions, les sorciers d'aujourd'hui, vous voyez comment, quand la science, aujourd'hui, ils cherchaient à atteindre physiquement tout ce qui est comme astre. Je dis bien tout ce qui est comme astre. Ils essayent d'atteindre par les appareils supersoniques, par Apollo 11, ils sont partis à la Lune, ils sont partis vers des étoiles que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Vous voyez, d'autres planètes, ils sont partis dans des planètes que c'est là-bas que les sorciers vont garder vos bénédictions, vont garder vos bénédictions. Parce qu'ils savent que vous ne pensez jamais à ça. Vous parlez toujours de l'abîme. Vous parlez toujours de l'abîme. Mais or, la Bible parle du prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Et j'ai dit, lorsque tu as fêté ton père, ta mère, ils ont fêté les histoires de Noël. Sache que les bénédictions de la famille sont cachées dans la lune. Parce qu'il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu lune, il y a des étoiles. Vos parents ont adoré tout ça. À partir d'aujourd'hui, je récupère tout ce que les démons des familles, de ta famille, ont caché dans les étoiles. Je récupère et je te confie tout cela au nom de Jésus-Christ. Partagez encore, partagez encore. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs. Au lieu de partager, il commence à faire une diffusion en direct sur sa page ou bien sur d'autres groupes. Il faut plutôt partager que de faire des diffusions en direct. Cela n'avantage pas parce que ta diffusion en direct ne donne rien. Cela n'avantage pas. Il ne faut pas faire des diffusions en direct parce que pendant que l'homme de Dieu est encore en train de prêcher, vous devez plutôt partager. Ce sont des erreurs et c'est Satan qui attaque également vos pensées par télépathie pour vous empêcher de partager. Pour vous empêcher de partager, et vous vous mettez tout simplement à faire des diffusions en direct. Parce que Facebook aurait quand même créé un système comme ça pendant que je suis en direct. Toi, tu fais et tu verras qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui regardent ce que tu diffuses. Alors que si tu aurais partagé à 200 personnes, à 50 personnes, et ça aurait porté beaucoup plus de coups dans le camp de Satan. Selon l'histoire ancienne des murailles de Jéricho, qui étaient tellement massives qu'un véhicule pouvait circuler là-dessus. Vous voyez, les murailles étaient tellement énormes de sorte que pénétrer à Jéricho était impossible. L'image que décrivent les murailles de Jéricho retrace la présence de barricades fortes autour de toi. Quand l'ennemi réussit à ériger les murailles autour de toi, il commence à se vanter, pensant qu'il a fait tout ce qui est nécessaire pour que tu ne puisses jamais prospérer. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je prononce cette phrase, à partir d'aujourd'hui, tu sors des murailles de Jéricho où on avait gardé, où le système satanique familial t'avait gardé, le système fa satanique familial que tu ne voyageras jamais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui voyagent aujourd'hui seulement. Ils rencontrent, d'autres vont à Dubaï, en Chine, pour aller acheter la contrefaçon. Ils achètent la contrefaçon, ils reviennent. Mais ils n'entrent jamais dans des centres, par exemple, des gros centres financiers du monde entier. Et ce sont appelés des miettes. Des miettes, tous les Africains sont dans les miettes. Vous allez constater que toutes les boutiques, magasins de Yaoundé, si vous vendez une paire de chaussures, vous allez rencontrer la même paire de chaussures dans tous les magasins de Yaoundé. À Abidjan, c'est la même chose. Au Congo, c'est la même chose. Parce qu'ils ont les mêmes envoûtements. Ils ont les mêmes esprits. Vous n'allez pas voir quelqu'un réfléchir d'une manière contraire à ce que les autres font. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un envoûtement collectif. Et cet envoûtement collectif opère dans la société, opère dans un quartier, opère dans une ville, opère dans un pays, opère dans une famille. Et je précise aujourd'hui que cet envoûtement collectif, toi, il ne va plus jamais se manifester dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, et tes biens qui ont été cachés dans une lune quelque part, qui ont été cachés au soleil, à cause de tout ce que ta famille aurait posé comme acte, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, les murailles de Jéricho qui ne te permettent pas d'accomplir ton destin dans la vie, aussi longtemps qu'elles demeurent, tes rêves seront toujours balayés. Tes rêves seront toujours sans espoir. Tes rêves, tu vas toujours calquer ce que les autres font. Tu vas toujours calquer ce que les autres font. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais calquer ce que les autres font. Le Saint-Esprit va t'inspirer au nom de Jésus de Nazareth. Et tu iras de vérité en vérité, de progrès en progrès, d'ascension en ascension, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne vas pas faire ce que les autres font. Et parce que tu n'as pas les mêmes empreintes. Les doigts qui sont sur ta main là n'ont pas les mêmes empreintes que les autres qui sont autour de toi. Même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère biologique, vous n'avez pas les mêmes empreintes. Pourquoi toi tu dois imiter les autres? Les chrétiens d'aujourd'hui imitent toujours les autres. C'est pourquoi vous tournez en rond. Vous n'allez plus jamais tourner en rond à partir de cette nuit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'envoie prophétiser sur toi. Tout complot, j'ordonne à tout pouvoir et forteresse maléfique, logeant ta bénédiction dans une lune, logeant ta bénédiction dans des étoiles, logeant ta bénédiction dans le ventre d'un serpent, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit. Et je te libère des pouvoirs d'activité des gaspilleurs. Parce que le démon de Noël, c'est un démon de gaspillage. C'est un démon, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des démons de gaspillage. Il sort de sa maison, il n'a pas envie d'acheter, il va toujours acheter quelque chose. Il va toujours donner de l'argent, il va toujours gaspiller. Ce sont des démons de gaspillage. Tu as reçu beaucoup d'argent. J'ai dit bien beaucoup d'argent. Mais parfois, tu as 10 000 francs et les 10 000 francs vont disparaître. Tu ne sauras même pas ce que tu as réalisé avec les 10 000 francs. Tu as 100 euros, les 100 euros vont disparaître. Tu ne sauras même pas ce que tu as fait avec les 100 euros. Parce qu'il y a des démons qui ont volé toute ta bénédiction et caché dans la lune et caché dans le soleil. Parce que le démon de Noël, c'est le démon de gaspillage. C'est la fête des commerçants qui pousse à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser. C'est donc un démon de gaspillage qui est entré dans le corps de Christ aujourd'hui. Et j'ai détruit cette alliance de gaspillage dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je te libère des pouvoirs d'activité de gaspillage au nom de Jésus. Toutes les citadelles d'invocation des commerçants les commerçants qui ont signé des pactes avec Satan. Avant d'étaler leurs marchandises, ils font des invocations afin que toute personne qui va passer puisse acheter. Et toi, tu es libéré. Il y a d'autres qui allument les encens et tu as aspiré la fumée des encens dans les magasins. Quand tu fais tes courses, et tu aspires la fumée des encens. À partir d'aujourd'hui, la fumée de ces encens-là, qui est logée, ce sont les démons qui sont entrés dans ton sang. Ils sont entrés en contact avec ton sang. Avant la traversée du 31 décembre, tous ces démons doivent sortir de ton corps au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la puissance du pouvoir de Jésus-Christ, toute la fumée des encens ou des parfums sataniques, des parfums diaboliques que tu as aspirés. Il y a des gens qui mettent des parfums d'attirance, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour charmer les femmes, que ce soit pour charmer les hommes. Et tous ces démons sont cachés dans la lune, sont cachés dans le soleil. C'est pourquoi les Romains qui adorent le Dieu soleil, ils ont inventé la fête de Noël pour voler les bénédictions de ceux qui croient au Seigneur, pour voler les bénédictions des enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que vous êtes entrés en communion avec leur idole, dès que vous fêtez Noël. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont perdu leur étoile financière. Ils sont dans la pauvreté, dans la misère. Et tu es délivré, je dis bien délivré, délivré, délivré, délivré, délivré de ce vol. C'est un vol, c'est le vol. Le voleur ne vient que pour voler. Vous savez que, vous pensez que le voleur vole comment? Il vole les enfants de Dieu, il ne vole pas ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont ses enfants. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Comment le diable peut encore voler son enfant? Il ne vole pas son enfant. Mais il vole ceux qui l'ont déjà échappé. Qui l'a déjà échappé, c'est un enfant de Dieu. Alors il va utiliser. C'est pourquoi la Bible nous met en garde. Que prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions du monde, comme vos histoires de traditions de fête de Noël. Et c'est comme ça que le diable a réussi à voler la bénédiction de ton père, à voler la bénédiction de ta mère, à voler la bénédiction de tous tes enfants. Tes enfants sont nés étant déjà dépouillés. Toi-même, étant encore dans le ventre de ta mère, tu étais déjà dépouillé, dépouillé, dépouillé. Quand tu es sorti, tu n'avais plus rien. Et il faut donc une restauration. Il faut donc une restauration. C'est cette restauration que j'apporte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Tous tes biens qui sont actuellement dans la prison, au niveau de la lune, au niveau du soleil, à cause des histoires de fête de Noël, que vous aviez fêté toutes les années qui sont passées à cause des histoires de Noël que tes parents ont célébré les années passées, parfois même avant ta naissance. Mais tout cela a été volé, l'argent a été volé, la paix a été volée, la santé a été volée, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Au nom de Jésus, sang de Jésus, efface toute marque dans tout département de la vie de mes enfants qui me regardent aujourd'hui, qui prient avec moi. Que le sang de Jésus efface toute marque. Je dis bien toute marque au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface des alliances ancestrales qui ont été tissées par les histoires de fêtes de Noël. Parce que tes ancêtres ont vendu ta vie à Satan par le canal des histoires de Noël. À partir d'aujourd'hui, que toutes les mains étranges qui ont touché ton sang, toutes les mains étranges qui ont touché ton sang, il y a beaucoup qui boivent ton sang en passant par des moustiques, qui se transforment en moustiques. Mon père, quand j'étais petit comme ça, avait l'habitude de me raconter une histoire. Parce que moi, je suis né dans une famille tellement sorcière. Mes oncles sorciers, des tantes sorcières, ainsi de suite. Et mon père me raconte une histoire bizarre. J'étais encore petit. Il me dit, tu avais un oncle. Moi, je n'avais pas connu cet oncle en question. Il me dit, tu avais un oncle qui était très dangereux. Et cet oncle-là avait des moustiques qu'il libérait chaque nuit pour aller sucer le sang. De, quand il avait besoin du sang humain, il avait une damjane ou bien calebasse remplie de moustiques de sorcellerie. Il libérait ces moustiques pour aller sucer le sang. Et quand les moustiques revenaient tôt dans la matinée, il pissait ce sang dans la marmite. Et c'est comme ça qu'il volait, il introduisait les maladies dans le corps de tous ceux qui étaient victimes de ces actes diaboliques sataniques. À partir d'aujourd'hui, si ton sang a été volé, et si ce sont des moustiques de sorcellerie, il y a des moustiques ici en France. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de moustiques. En Europe, il y a des moustiques. Hein. En été, il y a des moustiques en été dans cette zone, dans certaines zones en France. Des moustiques, j'ai vu avec mes yeux. Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement en Afrique. Mais vous vous trompez parce qu'on vous dit que... Mais vous vous trompez largement. Moi, j'ai vu la sorcellerie ici. Mais partout où je suis passé, Dieu m'a montré des châteaux de sorcellerie, des endroits où la sorcellerie se pratique, où la sorcellerie se pratique. Chez les Blancs, il y a la sorcellerie, vous le savez. Mais vous pensez qu'il y a ceci, c'est en Afrique. Vous mentez. La sorcellerie, c'est partout au monde, dans le monde entier, chez les Chinois. Il y a des grands satanistes. Pourquoi ils aiment la chair humaine? Les Chinois mangent la chair humaine ouvertement. Ils mangent la chair humaine ouvertement. Dans le monde entier, les gens mangent le sang coagulé. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Et quand vous arrivez, par exemple, dans les pays comme la Guyane, dans les pays comme la Martinique, dans les pays comme également la Guadeloupe, vous allez voir, les gens aiment manger le sang coagulé. C'est parce qu'ils ont les alliances de sorcellerie dans le sang. Et vous savez pourquoi ils mangent le sang coagulé? Dieu nous interdit de consommer le sang. Pourquoi? Alors, par le canal du sang, tu as eu la sorcellerie. En mangeant, en prenant ton sang, ils ont introduit des choses avec des moustiques, avec d'autres mouches qui sucent le sang. Et parfois, quand ils sucent, ils ne sucent pas seulement, ils déposent également les œufs. Ils déposent les œufs de sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, là, au nom de Jésus, sache que tu es dans une école. Ce n'est pas l'école de délivrance encore. Hein. C'est pourquoi je vous demande, quand l'école de délivrance commence là, dès le 1er janvier, il faut vous inscrire. Parce que je maîtrise ce que je fais. Je maîtrise ce que je dis. Je ne dis pas des choses à la volée. Il vous faut absolument vous inscrire. Vous êtes étudiant, inscrivez-vous. Les samedis, vous avez des cours spéciaux. Vous êtes également élève, inscrivez-vous. Vous êtes enseignant même de la parole de Dieu, pasteur ou bien archebishop, je ne sais quoi. Inscrivez-vous. N'allez pas raconter des choses que vous ne maîtrisez pas du tout. Alors, j'ai lu les esprits de peur, d'incrédulité, de doute et de traduction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, que tout est fait des sacrifices rituels par les ancêtres sur ta vie, soit neutralisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus. J'ai dit que ça soit neutralisé. Tu es étudiant ou étudiante, mais il y a des amis qui sont des étudiants aussi, mais qui sont des sorciers, qui sont des... Vous savez, c'est dans la salle de classe que moi, j'avais été contacté par un ami pour devenir magicien. Il avait un livre de magie et je n'avais pas 17 ans. Il avait un livre de magie, là à l'école. C'était pas devant un féticheur, devant un marabout à l'école. Il y a des enfants qui sont des sorciers, qui sont des sorciers. Et parfois, moi j'ai vu, étant encore au stade d'initiation au niveau de la magie, beaucoup d'élèves qui étaient des sorciers, qui embrassaient des filles, qui embrassaient des garçons, qui transmettaient la sorcellerie, qui détruisaient leurs étoiles. Et ces élèves-là avaient une attirance terrible. Je vais vous raconter une histoire. J'avais une nièce, paix à son âme, elle est décédée. Il y avait un garçon qui sortait avec cette nièce. Elle était encore élève au collège Saint-Michel. La fille était élève au collège Saint-Michel de Douala. C'était ma nièce, au collège Saint-Michel de Douala. Et le gars était dans un collège à Bonabéry. Et ce gars partait du collège de Bonabéry pour rejoindre notre nièce. Et toutes les filles de sa classe étaient toujours amoureuses de ce garçon. Et quand le gars venait au collège Saint-Michel, vous savez, quand vous quittez l'aéroport, et en face de vous, à Douala, il y a le collège Saint-Michel. On l'appelle généralement le carrefour Saint-Michel. C'est à cause de ce collège qu'on a donné ce nom à ce carrefour. Il y a donc ma nièce qui fréquentait ce collège. Alors, ce garçon avait envoûté, avait détruit les filles. Il mettait le ver de femme, ce qu'on appelle, c'était un serpent, qu'il déposait dans le bas-ventre de chaque fille. Mais aucune de ces filles ne se rendait pas compte que, véritablement, ce garçon, c'était un beau garçon. Un beau garçon. Tu ne voyais même pas ce que le garçon donnait aux filles. Mais toutes les filles ne juraient que par ce garçon. Des bagarres à tout moment. Des bagarres dans les salles de classe. Des bagarres partout. Le gars avait une attirance phénoménale, satanique, démoniaque, sorcellerie. Je ne sais comment qualifier ça. Et toutes les filles, il y a beaucoup de filles qui sont mortes. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont des célibataires. Parce qu'ils ont eu des rapports sexuels physiques avec ce garçon. Et il touchait une fille une seule fois. Parfois, il ne te touchait pas sexuellement, c'était seulement sa main qui touchait ton sexe et c'était fini pour toi. Et tu étais condamné de cette façon. C'était un agent de Satan, un agent de Satan qui livrait les âmes à Satan, un démon en chair, un démon en chair. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as été vendu de cette façon et c'est pourquoi j'ai déclaré que ton corps n'est plus à vendre aujourd'hui, ta vie n'est plus à vendre aujourd'hui. Partage encore la vidéo. Ta vie n'est plus à vendre aujourd'hui par la puissance satanique. Ta vie n'est plus à vendre. J'enlève ton nom du livre de la mort prématurée. J'enlève ton nom du livre des célibats. J'enlève ton nom du livre de ceux qui vont mourir pauvres. J'enlève ton nom du livre de ceux qui vont mourir très tôt. J'enlève ton nom du livre de ceux qui ne vont pas se marier, de ceux dont les fiançailles vont se briser. J'enlève ton nom de ceux qui ne pourront jamais voyager. J'enlève ton nom de ceux qui ne pourront jamais être riches, car la Bible déclare, de riche qu'il était, qui Jésus, il s'est fait pauvre pour nous enrichir, pas pour nous appauvrir. J'enlève donc ton nom au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ dans la liste de ceux qui ne seront jamais guéris. J'enlève ton nom également dans la liste de ceux qui sont télécommandés par les sorciers. Tu es télécommandé par les sorciers dans ta famille et tu vis quelque part dans un pays. Dans une ville du Cameroun, ben dans ton village, les sorciers de ton village, ta famille maternelle, paternelle, sont en train de télécommander, de te télécommander. C'est eux qui te guident à gauche, qui te guident à droite. Monte, tu montes, descends, tu descends. Et pourtant, tu vis aux États-Unis, mais ces sorciers sont dans ton village. Mais ils ont une télécommande entre leurs mains. Entre leurs mains, ils sont en train de guider ta vie avec leur télécommande. Il te voit sur l'écran. J'ai dit dans mon livre témoignage que le diable n'est pas omniprésent. Il utilise tout ce que vous voyez scientifiquement comme satellite, comme écran, comme ceci, des miroirs. C'est pourquoi les sorciers ont des miroirs. Quand vous allez chez le féticheur, ils utilisent toujours des miroirs. Pourquoi? Et vous vous rendez compte, les sorciers, les féticheurs, les marabouts utilisent des miroirs. Pourquoi? Donc à partir d'aujourd'hui, je désarme tout pouvoir et je brise tous les miroirs. J'envoie des bombes à neutrons, des bombes en neutrons dans les maisons, dans les hôtels de tous les sorciers qui guident ton âme avec des miroirs. Et ces miroirs sont en train de s'exploser maintenant au nom de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit parce que là où tu es là, tu as reçu une flamme sur ta tête, même si tu n'as pas vu cette flamme-là, la flamme du Saint-Esprit. Le jour que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y a une flamme qui s'est posée sur la tête de chaque apôtre. Toi aussi, le jour que tu as reçu Jésus, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a une flamme qui s'est posée sur ta tête. Et cette flamme doit brûler chaque sorcier, doit brûler chaque sorcier, doit brûler chaque démon. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je lis toutes les télécommandes maléfiques spirituelles, tous les esprits télécommandés. Parce que le sorcier assis dans sa maison avec sa télécommande, il envoie les esprits vers toi. Comme toi aussi, tu es assis au salon, dans ta maison, et tu changes des chaînes de télévision, tu veux voir ça. C'est comme ça, c'est pareil dans le royaume satanique. Dans le royaume, quand il veut que ton mari te gifle, il appuie sur la télécommande, ton mari te gifle copieusement. Quand il veut que ton mari te refuse ceci, il appuie. Quand il veut que les promesses qui ont été faites pour toi, quelqu'un peut te faire une promesse. Et puis le sorcier appuie la télécommande. La personne oublie qu'il t'avait promis quelque chose. Mais quand la personne te voit, il se rappelle subitement. Et parfois, tu peux croire que ben, il m'a fait une fausse promesse. Et pourtant, c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. Mais il m'a fait une fausse promesse. Il ne t'a pas fait une fausse promesse. C'est toi qui as des problèmes. À partir d'aujourd'hui, chaque télécommande manipulée par un sorcier pour que tu sois oublié, pour que tu sois rejeté, pour que tu sois. Et à partir d'aujourd'hui, cette télécommande est brisée au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, cette télécommande est brisée au nom de Jésus. Pendant que le gars est assis devant son miroir, il te voit. Quand tu entres quelque part, il te voit. Quand tu sors, il te voit. Quand un homme te fait la cour, il te voit. Quand un homme te fait la promesse, il te voit. Lui, il ne fait qu'appuyer avec la télécommande. Que cette télécommande prenne feu au nom de Jésus-Christ et que ça le brûle au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, chaque télécommande entre les mains des sorciers. Partage la vidéo, partage encore. Je lis toutes les télécommandes. Je retire les balles et les munitions rendues disponibles par l'ennemi pour te fusiller, pour te détruire. On appelle ça seulement dans mon patois le fusil nocturne. Le fusil nocturne. Avec ça, on abat beaucoup de personnes. On détruit la chair de beaucoup de personnes. C'est pourquoi ton corps développe facilement des maladies. Ton corps développe facilement des maladies à cause du fusil nocturne. À partir d'aujourd'hui, ton enfant a un fusil nocturne. C'est pourquoi tu es toujours malade. Une fois, je me suis rendu à Libreville au Gabon. Il y avait un homme qui avait épousé sa femme. Et cet homme avait eu un enfant auparavant. Un enfant auparavant avec une fille comme ça dehors. Et puis, quand il s'est marié, et il a dit à sa femme, je vais reconnaître cet enfant. Il a reconnu l'enfant. Et puis l'enfant est venu habiter chez eux. Alors le calvaire de cette femme a commencé ce jour-là. Le calvaire de cette femme a commencé ce jour-là. Qu'est-ce que là, c'était, cet enfant faisait? L'enfant a commencé à détruire l'homme et sa femme, à détruire la santé de l'homme, à détruire. Il avait flanqué ce qu'on appelle les maladies de la prostate. L'homme n'avait même pas encore 50 ans, mais il a commencé à développer les maladies de la prostate. Et la femme également, des tumeurs dans l'utérus, on doit couper l'utérus, on doit faire ceci. La fille a fait ça dur au couple. Elle a fait ça dur à ce couple. À ce couple, elle a empêché le monsieur de se réjouir au niveau des rapports sexuels avec sa femme. Elle a rendu son père impuissant. Elle a rendu son père impuissant. Elle a rendu sa mère également frigide. La femme n'avait plus envie de son mari. À partir d'aujourd'hui, et la télécommande que la fille avait, elle confesse qu'elle avait une télécommande. Quand ses parents entraient dans leur chambre, elle utilisait la télécommande. Quand le père veut toucher comme ça, elle appuie sur un bouton. Alors les BNB femmes en question, ou bien la machine, ou bien l'érection va disparaître. Et il savait, elle voyait par le canal de son miroir que son père veut déjà toucher maman. À partir de cet instant, elle appuie sur la télécommande et tout va mourir. Vous voyez comment les sorciers travaillent. À partir d'aujourd'hui, je retire, je révoque toute alliance consciente avec l'esprit de la mort, toute alliance consciente avec les manipulations de la télécommande satanique, au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois spirituellement amputé de ton Dieu, que tu sois amputé dans les bénédictions, que tu sois détruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que toute malédiction qui empêche toutes tes prospérités, tous tes biens, qui a enterré ta prospérité, enterrer tes biens, au nom de Jésus, je provoque la résurrection. Je provoque la résurrection. Je provoque la résurrection de tes biens. Tous les buveurs de sang, qui ont bu ton sang et qui ont utilisé des mois, parce que chaque mois, ils ont des incantations différentes. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, et le mois, et le mois, et le mois, et le mois. Chaque mois, ils ont des versions. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes commettent des erreurs. Ils commettent des erreurs lorsqu'ils vont au culte que le 25 ou bien le 31. Et le diable sait d'une manière pertinente que les gens prient beaucoup. Les gens vont au culte, ils se préparent pour la traversée. Mais après la traversée, il y a ce qu'on appelle un relâchement. Et ce relâchement-là coûte cher aux enfants de Dieu. Parce que là, le diable frappe. Et il va encore frapper cette fois-ci. C'est pourquoi, juste dès le départ, le 31, nous allons lancer un séminaire. Un séminaire. La Bible déclare que Dieu bénit le départ, il bénit l'arrivée. L'arrivée, c'est en décembre. Et le départ, c'est en janvier. Et le diable le sait. Toute bénédiction que Dieu a déversée depuis le 1er janvier, Le diable vient récupérer ça pendant que tu es dans le sommeil. J'ai dit dans ce livre-là, que j'ai lu dans la Bible de Satan, il ordonne à ses démons d'attaquer les chrétiens pendant qu'ils sont endormis. Et il explique que pendant que le chrétien dort, il est beaucoup plus vulnérable. À partir d'aujourd'hui, il y a un sommeil spirituel qui se manifeste dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que tous les envoûtements de décembre, que tous les envoûtements de décembre, que tous les envoûtements de décembre, tous les envoûtements de décembre, tous les envoûtements de janvier, ne te plonge jamais, ne te plonge jamais dans l'assoupissement. L'assoupissement. C'est pourquoi ce dimanche-ci, au Temple Nation Paris, au Temple Nation Paris, ça va chauffer. Au Temple Nation Paris, ça va chauffer ce dimanche-ci. Il ne faudrait pas rater ce culte-là. Parce qu'on n'aura pas la traversée. J'ai dit, on n'aura pas la traversée au Temple Nation du 31. Mais il faudrait être là. Tu vas entendre, tu vas recevoir des choses que tu n'as jamais reçues, des choses que tu n'as jamais entendues. Et il est dans le plan du diable de t'amener à voir ton miracle de loin et de te rendre incapable d'y parvenir. Le diable ne veut, il éloigne tes miracles. Il fait tout et tout pour t'éloigner de tes miracles. Ou bien, il fait tout et tout pour que tu ne parviennes pas à ton miracle. Pour que tu ne puisses pas attraper ton miracle. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je brise donc toute malédiction de vagabondage, des miracles. Il y a les vagabondages des miracles. Et ça se manifeste comment? Je paralyse les activités d'esprit suivant. Et il y a beaucoup d'esprits qui travaillent dans ta vie, toi qui m'écoutes ce matin. Il y a les esprits d'accusation. Il y a des gens qui t'accusent. Tu n'as rien fait, on t'accuse. Dans le foyer, on t'accuse. Au travail, on t'accuse. Tes amis t'accusent. À l'église, on t'accuse. Tu n'as rien fait, mais on t'accuse. À partir d'aujourd'hui, ce sont les esprits, on appelle ça. Ils ont des télécommandes pour que tu sois accusé à tout moment. Parfois, ton amitié se termine toujours en queue de poisson. Tu as un ami ou une amie, ça se termine toujours en queue de poisson. Un copain ou une copine, quand tu étais païen, ça se terminait toujours en queue de poisson. Et il y a des esprits d'accusation. Il y a des esprits d'intimidation. Même un petit enfant veut t'intimider. Et même ton mari veut t'intimider. Même ta femme veut t'intimider. Le patron veut t'intimider. Les amis veulent t'intimider. Les collègues de service veulent t'intimider. Partout, c'est la même chose. Quand tu arrives quelque part, à partir d'aujourd'hui, ces esprits d'intimidation doivent être détruits au nom de Jésus. Doivent être détruits, anéantis au nom de Jésus-Christ. Il y a des esprits d'orgueil qui te rendent tellement orgueilleux. Ou bien, il y a deux choses. Ça te rend orgueilleux ou bien ça rend d'autres personnes qui vivent avec toi orgueilleuses. D'autres personnes qui vivent avec toi orgueilleuses. Il y a deux choses. Si ça ne te rend pas orgueilleux, ça va rendre ta femme orgueilleuse au point où elle ne peut pas demander pardon. Ça va rendre ton mari orgueilleux au point où il ne peut pas demander pardon lorsqu'il pose un acte. Tout ceci, c'est pour te détruire. Et que ces esprits, à partir d'aujourd'hui, qui viennent de la lune, c'est les esprits qui viennent de la lune, du soleil, à partir d'aujourd'hui, ils sont déjà dévoilés au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qu'on appelle égocentrisme, c'est-à-dire l'exaltation de soi. Tu ne fais qu'exalter ta propre vie. Tu veux montrer. Ou bien tu as des amis qui veulent toujours montrer qu'ils sont quelque chose. Ou bien au travail, tes collègues de service veulent toujours montrer. Et ou bien toi, tu veux toujours montrer. À l'école, ça a été comme ça. À l'église, ça a été toujours comme ça. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des esprits d'amertume qui se manifestent en toi. Ou bien ils entrent dans la vie de ceux qui te côtoient chaque jour. Ceux qui te côtoient chaque jour, ils provoquent l'amertume dans leur cœur. Les gens commencent à te haïr sans problème. Quelqu'un te hait, il ne te connaît même pas, mais il va raconter des bêtises sur toi. Il va raconter, partager. Les esprits de rébellion. Ou bien toi-même tu deviens rebelle. ou bien la rébellion entre sur ton mari ou sur ta femme, ou sur tes enfants deviennent des rebelles jurés, des rebelles jurés. À partir d'aujourd'hui, que tous ces esprits, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, les esprits d'intolérance, les esprits de haine, parfois toi, tu es animé d'une haine implacable, ou bien les gens commencent à te haïr. Ils commencent à te haïr. Tu arrives dans un bureau. Pour que tu sois reçu, la personne, c'est comme si la personne te connaissait depuis longtemps. Il va te recevoir. Avec des yeux de vipère, des yeux de python. Parfois, il te renvoie. Parfois, il jette ton dossier. C'est-à-dire, ce sont des esprits de haine qui te suivent. À partir d'aujourd'hui, tous ces esprits au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, les esprits de manque de repos. Vous voyez, en Égypte, et le peuple de Dieu, ce sont des esprits d'esclavage, esprits de manque de repos là. C'est un esprit d'esclavage. C'est pourquoi, en Égypte, les Hébreux étaient accablés des travaux. Les esprits de manque de repos où tu n'as même pas le temps de prier, où tu n'as même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu travailles même les dimanches et tu récoltes toujours peu, malgré que tu travailles beaucoup, mais tu récoltes toujours peu. Et ces esprits t'accompagnent partout. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré de tous ces esprits au nom de Jésus. Les esprits d'impatience, de colère, au nom de Jésus, des querelles. Dans la famille, c'est la querelle, des querelles. Entre toi et ton ami, entre toi et ton copain, entre toi et ta copine, c'est des querelles. Entre toi et ton mari, ta femme, c'est des querelles. Au lieu de servir, c'est des querelles. À l'église, c'est des querelles. Oh, par la puissance satanique, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance satanique qui se manifeste par le cadre de ses esprits, est déjà détruite au nom de Jésus. Les esprits de confusion. Et pourtant, la Bible déclare que si tu acceptes le Seigneur, tu ne seras plus confus. Mais on voit la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Ils s'habillent à la friperie. Quelle confusion! C'est le païen qui s'habille avec des habits normaux. C'est le païen qui mange réellement ce qui est normal, la vraie nourriture. Mais toi, tu manges les bifagas. Toi, tu manges la sauce d'arachide avec le riz du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne fais que manger cela. Tu achètes un sac de riz et la famille va manger ça jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la confusion. Et il y a ceux qui s'habillent. Et le fer à repasser, c'est la friperie, c'est-à-dire c'est la contrefaçon, c'est la friperie. Le frigo à la maison, c'est la friperie. Tout ce qu'il a à la maison, même les sous-vêtements, viennent de la friperie. Même les perruques sur la tête viennent de la friperie. Quelle confusion! Et les autres païens là qui s'habillent dans les prêt-à-porter, qui font les courses de part et d'autre. Mais toi, tu es chrétien et tu vis dans une confusion totale. Tout ce qui est sur toi est contrefaçon friperie. Soutien que tu portes, c'est friperie. Et également, les sous-vêtements, les caleçons, c'est friperie également. Même les dents dans ta bouche, c'est la friperie également. Tout est friperie dans ta vie. À partir de cet instant, tu crois en quel Dieu? Tu as reçu quel type de Jésus? Tu as reçu quel type de Jésus, toi? Aujourd'hui, matin, malade. À midi, maladie. Le soir, maladie. Et 24 heures sur 24, tu ne fais que gémir. Quelle confusion! Tu vas te coucher avec ton mari. Quand ton mari attend que je peux quand même m'amuser avec ma femme, tu commences, le dos fait mal, la poitrine fait mal, les jambes font mal. Et j'ai ceci, et j'ai cela. Quelle confusion dans le foyer. Et également, au lieu de... Tu vis toujours dans un manquement perpétuel de sous. L'argent est toujours absent. Tu ne fais que rêver. Tu ne fais que rêver que tu comptes l'argent. Mais en réalité, tu n'as jamais compté cet argent. Quelle confusion que tu vis dans tes rêves. Tu conduis des belles voitures. Mais en réalité, tu n'as jamais eu même pas un vélo. Ça, c'est de la confusion. Et dans ta... Tu es toujours malade physiquement, mais quand tu es dans les rêves, tu es tellement robuste, tu es en bonne santé dans les rêves. Ça, c'est la confusion. Et également, dans ta vie, Tu n'as pas d'érection réelle avec ta femme, mais dans les rêves, tu as une érection de cheval. Mais quelle confusion! Ça, c'est ce qu'on appelle les esprits de confusion. Au lieu, ton mari t'aime, il commence à te haïr jusqu'à te frapper. La Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Mais aujourd'hui, l'homme parvient à te taper comme tam-tam. Il parvient à te taper comme cloche d'une église catholique. Et quand tu cries, c'est comme la cloche d'une église catholique. Le mari te frappe comme s'il avait des marteaux sur les doigts. Écoute-moi bien, ça c'est de la confusion. Aujourd'hui, tu ne manges pas ce que tu veux. Tu ne voyages pas comme tu veux. Tu vas dans une ambassade, on te refuse le visa. Tu arrives en France, tu arrives aux États-Unis, même pas 4 de séjour, tu n'as pas. Ça, c'est la confusion. Tu as quand même ta carte de séjour de 10 ans. Pour que tu trouves le travail, c'est un problème. Ça, c'est de la confusion. Ceux qui n'ont même pas la carte de séjour travaillent avec les cartes de séjour des autres. Mais toi qui as même la carte de séjour, tu n'as pas de travail. Ça, c'est de la confusion. C'est vraiment de la confusion. Que quelqu'un a la carte de séjour, il y a d'autres qui ont le passeport Bordeaux. Il a la nationalité française. Il a la nationalité suisse. Jusqu'à présent, tu ne trouves pas un bon travail. Tu ne manges pas l'argent de la Suisse. Tu ne manges pas l'argent de France, des États-Unis. Tu vis dans une confusion. Sors de cette confusion à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu as voyagé avec ta femme. Vous êtes arrivé en Europe. Et ta femme a réussi à te faire sortir de la maison. Elle est restée bien implantée dans cette maison. Et elle a eu à prendre un petit gamin. Un petit gamin qui te remplace, qui bouffe l'argent de ta femme. Aujourd'hui, toi, tu dors dans les ténèbres, tu dors dans le froid dehors. Voilà ce qui se passe en Europe, ici, maintenant. Et en Europe, ici, et toi, tu es en train de subir tout cela. C'est ce qu'on appelle les esprits de confusion. J'ordonne aux esprits de confusion de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, tu as étudié avec beaucoup de personnes. Et vous aviez obtenu les diplômes au même moment. Ces gens sont déjà loin. Parfois, même, ils deviennent ton patron. Mais toi, tu es toujours à terre. Échelon zéro, catégorie zéro, parfois même tu es au chômage et ces gens-là parviennent même à t'aider. Et parfois ils ne vont même pas à l'église. Mais toi tu vas à l'église, tu parles en langue tous les jours, tous les matins. Au chobachakala, tu déranges les gens matin, midi, soir, tu parles en langue. Mais tu n'as rien à manger chez toi, tu n'as rien à mettre sur le corps. Quelle confusion! C'est ce qu'on appelle de la confusion. Et quand tu rentres, tu sors de l'église, toi tu es à pied. Et les autres sont dans les voitures. Ça, c'est de la confusion également. Tu es en location ou bien tu n'as même pas de maison. Or, Jésus a dit, vous aurez des maisons. Vous aurez des maisons. Assurément, je vous le dis en vérité, qu'il n'y ait personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle ne reçoive au sentier présentement dans cette vie des maisons. Mais toi, tu n'as pas de maison. Mais quelle confusion! Qui a dit ça? C'est pas Jésus? Toi, tu n'as pas de maison. Et tu prends la pauvreté comme un signe de spiritualité. Et regarde comment, quelle confusion. La pauvreté n'a jamais été un signe de spiritualité. C'est de la sorcellerie. La misère, c'est de la sorcellerie. C'est véritablement de la sorcellerie. Là où il y a pauvreté, là où il y a la sorcellerie. Ne dites pas que, réellement, oui, c'est Dieu. Non, les épreuves de Dieu ne durent pas. Si une épreuve dure déjà éternellement dans ta vie, tu traverses toujours des épreuves depuis de la nouvelle naissance jusqu'à plus de 10 ans aujourd'hui. Alors, il faut revoir la copie de ta nouvelle naissance. Cela est très important. Hey, quelle confusion aujourd'hui. Quand tu arrives quelque part dans une église, il faut voir quelles marques de voitures qui sont garées dehors. Les marques de voitures sont garées dehors, c'est les voitures dont les portières tremblent, qui tuent les moustiques dans le quartier avec la fumée bizarre. C'est ce genre de voiture, parfois, il y a 3000 personnes dans cette église, mais il y a 4 ou 5 personnes qui ont des voitures. Mais quelle confusion! Ça, c'est véritablement la confusion. Mais entre dans les églises païennes, où les gens ne sont même pas nés de nouveau, va voir quel type de voiture. Mais j'ai dit ceci, et c'est à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Ça doit changer de camp. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Aussi vrai que Dieu nous a délivrés de la sorcellerie et des impacts de balles de la sorcellerie, et toi aussi, tu quittes cette malhonnêteté satanique qui fait croire aux enfants de Dieu qui les amène à accepter la pauvreté. Ils vous attaquent par le canal de ce que j'ai appelé la télépathie. Et vous acceptez la pauvreté comme un signe de spiritualité. Mais la pauvreté n'a jamais été un signe de spiritualité, s'il vous plaît. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est de la confusion. Les attaques familiales, au lieu que toi tu puisses détruire les sorcelleries, la sorcellerie dans les familles environnantes, mais c'est ta famille qui est attaquée dans la sorcellerie tout le temps. C'est ta famille qui est toujours attaquée et même vaincue. C'est ça la confusion. Au lieu que le sorcier fuit, les enfants de Dieu fuient la sorcellerie aujourd'hui. Il faut les D'autres ne veulent même pas parler du démon parce qu'ils ont peur. Quand toi tu parles du démon, il dit, mais comment? Vous faites vraiment la publicité du démon. Laissez-nous parler, nous, de Jésus, parce qu'ils ont peur. Hey, un enfant de Dieu, ça c'est de la confusion. Vous, au contraire, dit la Bible, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal qui marche à pied, un sacerdoce royal qui n'a rien à manger, un sacerdoce royal qui n'a rien à mettre au corps, un sacerdoce royal qui a, je ne sais où m'arrêter quand je compte les problèmes qui minent, qui détruisent les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils acceptent ça comme vérité. Non, refusez tout cela. C'est de la confusion. C'est de la tromperie. Satan vous trompe d'accepter la misère, d'accepter la maladie. Et la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. N'acceptez pas la maladie, c'est de la confusion. La maladie, c'est chez les païens. Je renvoie cette maladie chez les païens. Avec cette maladie, ils vont commencer à chercher le Seigneur. Je renvoie les problèmes chez les païens. Avec ces problèmes, ils vont commencer à chercher le Seigneur. Mais toi, reçois Jésus aujourd'hui même. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Quelle confusion aujourd'hui! Que même sur la tête, la Bible dit que Dieu a donné les cheveux aux femmes comme un signe. Mais même les cheveux, les femmes dans le Seigneur n'ont plus les cheveux sur la tête. Ils portent plutôt les perruques sur la tête. Or, Dieu a donné les cheveux comme un signe à la femme. Mais pourquoi vous n'avez plus de cheveux? C'est une confusion. Vous mettez aussi les perruques sur les têtes. Vous dépensez autant d'argent chez les boutiquiers. Regardez pendant les fêtes. Tous les salons de coiffure sont remplis jusqu'à présent maintenant. Et ils sont en train de se préparer pour aller dans les boîtes, pour aller à l'église de minuit, pour aller. Et ils sont où? Assis dans les salons de coiffure, avec des perruques, avec des mèches. Pourquoi vous n'avez pas de cheveux? Parce qu'il y a des envoûtements tout à fait spécieux. Toi, tu es enfant de Dieu et tu n'as pas de cheveux. Quelle confusion! Tu portes perruque sur la tête, tromperie, contrefaçon. Tu trompes les gens que tu as les cheveux alors que tu n'as pas de cheveux. N'as-tu pas honte de cela? Tu n'as pas de cheveux et tu trompes les gens que tu as les cheveux. Tu n'as pas de cheveux. Alors, tu ne dois pas tromper les gens que tu as les cheveux. C'est un mensonge, porter les perruques. En principe, c'est le serpent qui vous inspire de cette façon. C'est le serpent qui vous inspire de cette façon. C'est ce qu'on appelle la confusion. L'enfant de Dieu doit, dès que tu reçois le Seigneur, les cheveux commencent à pousser. Et je vous condamne à partir de maintenant. C'est une délivrance spéciale. À partir de maintenant, tu auras les cheveux sur ta tête. Parce que Dieu préconise que un enfant de Dieu, Dieu dit un homme ne doit pas porter beaucoup de cheveux. La femme doit porter beaucoup de cheveux. C'est un signe pour son mari, c'est un signe pour les anges. C'est un signe aussi pour les anges. Mais aujourd'hui, les femmes ne portent même pas ses cheveux. C'est écrit dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 11. Si vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, c'est de la confusion. C'est de la confusion. Cette confusion doit être quittée. On a vu des petites filles païennes qui arrachent des garçons, qui arrachent des maris aux femmes converties. Quelle confusion! Elle est païenne, elle va chez les féticheurs et elle t'arrache ton mari, elle t'arrache ton fiancé, elle arrache ton fiancé avec des fétiches. Or, la Bible déclare, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais quelqu'un qui est sataniste, il parvient à t'envoûter et tu sors ça de ta bouche, qu'il y a une sorcière dans ma famille qui m'a envoûté, tu n'as pas honte? Est-ce que tu n'as pas honte de sortir d'une telle phrase? Quelle confusion! Que c'est un enfant de Dieu qui fuit la sorcellerie. Mais moi, je ne peux pas fuir la sorcellerie. Tous les sorciers au Cameroun, quand j'arrive au Cameroun, je lance des défis. Je lance des défis. Je dis, former une équipe nationale. Une équipe nationale. Et ils ne peuvent rien jusqu'à présent depuis 27 ans que j'annonce l'évangile. Depuis 27 ans que j'annonce l'évangile. Parce que j'avais reçu le Seigneur étant encore très petit, hein, très très jeune. 27 ans que j'annonce l'évangile aujourd'hui. Quel sorcier qui m'a rendu malade? Pas du tout, me tuer, non, pas du tout. Et Dieu parvient toujours à faire exploser vos petites choses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, le sang de Jésus te délivre de toute malédiction. Hérité de ton père, hérité de ta mère, hérité des envoûtements venant de la lune, des envoûtements venant du soleil, par le canal des fêtes de Noël, par le canal des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Ce sont des envoûtements. Des envoûtements de gaspillage, des envoûtements de sorcellerie. Je lis tout esprit d'aveuglement. Ceux qui adorent encore Noël, ceux qui fêtent encore Noël, ce sont des esprits d'aveuglement. D'aveuglement, quelle confusion! Quelle confusion! Il y a trop de confusion aujourd'hui. Et je détruis au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'aveuglement, de captivité. Pour que quelqu'un accepte la vérité aujourd'hui, c'est difficile. Accepter la vérité, quand tu amènes la vérité, ils sont prêts à te fusiller, à te détruire. C'est un esprit d'aveuglement. À partir d'aujourd'hui, partagez la vidéo au nom de Jésus. Partagez encore la vidéo par la puissance du Saint-Esprit. Je lis les pouvoirs des ténèbres qui lient et retiennent ta prospérité au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout esprit de tromperie, tout esprit de retraite, tout esprit de retraite, au nom de Jésus, de convoitise des yeux, de convoitise des yeux, de manque de respect, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, de manque de respect, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui t'ont manqué de respect, c'était les esprits. Et la Bible dit, tu seras élevé, tu seras respecté. Abraham était respecté. Je suis le fils d'Abraham. Tu dois être respecté dans ton foyer. La belle famille, les démons de la belle famille, la sorcellerie de la belle famille, j'ai dit la sorcellerie de la belle famille, ne pourra plus jamais t'humilier. La sorcellerie de ta belle famille ne pourra plus jamais t'humilier. Au nom de Jésus, tous les démons venant de la belle famille qui cherchent à t'humilier, j'ai détruit tous ces démons. Je lis toute leur sorcellerie au nom de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit dans la belle famille, dans ta belle famille maternelle, dans ta belle famille paternelle, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui provient de ta belle famille, qui provient de ta propre famille, parce que Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je décrète que ceux qui rient et se moquent de toi aujourd'hui, ils vont pleurer demain et toi tu vas rire. Ceux qui rient et se moquent de toi aujourd'hui, ils vont pleurer demain et toi tu vas rire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous les pouvoirs qui sponsorisent les décisions maléfiques dans ta vie, toutes les puissances qui sponsorisent les décisions maléfiques dans ta vie, que toutes ces puissances de malédiction, de manipulation satanique visant à changer ton destin, soit détruit au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus, Tout ce qui est comme tube spirituel, obstrué, tube spirituel, et c'est ton cordon ombilical qui est le tube, spirituel dans la sorcellerie. On a utilisé ton cordon ombilical dans la sorcellerie. Et j'ai détruit ce cordon maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit. On a volé le placenta. Qui est le sac qui enveloppe l'enfant. Les sorciers de ta famille ont pris le placenta. Ils ont pris le placenta de tes enfants. Et tes enfants n'ont pas de destinée. Toi-même, tu n'as pas de destinée en tout. Parce que ton placenta qui t'avait enveloppé le jour de ta naissance, les sorciers ont pris ce placenta. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu reçois un nettoyage céleste. Un nettoyage céleste maintenant. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es entré dans un salon de coiffure. Il y a des sorcières dans ce salon de coiffure. Ils ont prélevé les cheveux de ta tête. et tu as reçu une imposition des mains sataniques. Une imposition des mains sataniques en 2019. En 2019, tu as reçu une imposition des mains sataniques. Une imposition des mains sataniques. Et je décrète aujourd'hui que tu es libéré de cette imposition des mains. Par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu. Je décrète que tu ne perdrais jamais ton appel, ton appel, ton appel. Que ce soit dans le domaine professionnel, c'est un appel. Que ce soit dans le domaine du mariage, c'est un appel. Que ce soit dans le domaine des relations internationales, c'est un appel. Tu auras des relations internationales. Dieu va les utiliser pour t'enrichir à l'extrême, au nom puissant du Seigneur Jésus, pour t'enrichir à l'extrême. Ceux qui sont partis de leur pays pour aller se chercher, tu es parti de ton pays pour aller se chercher, comprends à partir d'aujourd'hui, j'envoie le feu sur ceux qui te suivent. Il y a des démons qui partent de ta famille pour qu'ils te poursuivent. Les démons qui sont de connivence avec les démons du pays d'accueil, les démons de ton pays sont en connivence avec les démons du pays d'accueil. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ils ne pourront plus rien. Ils ne pourront jamais te toucher. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien voler. Tu deviens invisible. Au nom puissant du Seigneur Jésus, ta vue et ton nuit spirituelle recevez la guérison au nom de Jésus. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu avec tes oreilles d'une manière audible. Et tu vas commencer à voir les manifestations de Dieu, la délivrance de Dieu, les miracles de Dieu. Tu les verras à l'œil nu. J'ai dit les miracles de Dieu, tu les verras à l'œil nu. Par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je lis l'homme fort qui est derrière ton aveuglement spirituel, ta pauvreté financière, ta pauvreté sentimentale. Je lis l'homme fort qui est derrière tes maladies. Je lis l'homme fort qui est derrière les catastrophes qui te poursuivent. Je lis l'homme fort qui est derrière le rejet, qui est derrière le célibat, qui est derrière le chômage, qui est derrière le manque de progression professionnelle, qui est derrière également des échecs dans ta vie des entreprises. Au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'enlève ton nom de la liste des mangeurs de chair humaine, des buveurs du sang, des buveurs du sang de ta famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus, des vendeurs des âmes aux cons, aux femmes là. J'enlève ton nom dans la liste et j'efface au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'efface au nom de Jésus Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Je lis et expulse tout dépôt des ténèbres, toute partie de ton corps qui a reçu un dépôt sataniste, un dépôt des satanistes, tout rapport sexuel, le premier homme qui t'avait déviergé. Au nom de Jésus, je détruis cette alliance de mariage parce qu'il y a une alliance de mariage au nom puissant du Seigneur, l'homme qui t'avait déviergé. Je détruis cette alliance de mariage au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Et tu reçois le pouvoir pour honnir tout agresseur assoiffé de ton sang. Toi reçois le pouvoir pour honnir, pour mettre à genoux tous tes adversaires, pour mettre à genoux tous tes adversaires au nom puissant du Seigneur Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, tout pouvoir satanique, démoniaque, au nom de Jésus, je couvre ta main du sang de Jésus. Tu vas toujours recevoir. Tu vas toujours recevoir. Tu vas toujours recevoir. Et personne ne pourra te détruire au nom puissant du Seigneur Jésus. Je dis personne ne pourra te détruire. Par la puissance diabolique, personne ne pourra te détruire. Parce que la puissance du Saint-Esprit est descendue dans ton corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Christ Nazareth. Et à partir de maintenant, tu dois se mettre. Je dis, tu dois se mettre. Cette section, ce sont des types de prières. Des prières. La Bible précise. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi du bdellium, de la pierre d'onyx, le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième, Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donne une entreprise à Adam et à sa femme. Dieu donne une entreprise. Et je prophétise afin que toutes tes entreprises, je ne prophétise pas sur les salaires. Je n'aime pas l'histoire des salaires. Vraiment, je n'aime pas. Quand tu lis la Bible, depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu qu'Adam soit un entrepreneur, que sa femme soit également dans l'entrepreneuriat. Je veux que toutes mes filles soient dans l'entrepreneuriat. Histoire de petits salaires, le lavage de cerveau, que le lavage de cerveau, qu'aujourd'hui, quand vous voyez les zones anglophones fonctionnent dans les affaires. C'est pourquoi ils sont riches. Mais les zones francophones, c'est toujours « je veux être retraité, je veux être retraité ». C'est pourquoi tu vois la bagarre retraité, bagarre retraité, bagarre retraité, bagarre retraité. Vous voyez, il faut entrer dans les affaires. Petit salaire de retraite, là, ça te donne quoi? Qu'est-ce que ça te donne? Entre dans les affaires, tu vas mourir riche, milliardaire, millionnaire en euros. Tu n'as plus besoin de 900 euros ou tu vas te battre pour avoir 900 euros de retraite. Regardez comment le diable trompe. Comment le diable trompe. Je vous dis toujours des vérités. Même si tu es fonctionnaire maintenant, tu travailles pour un salaire. Commence une affaire maintenant. Monte une affaire. Même si tu as... Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile. Mais j'en ai déjà combien de sociétés créées en France? Créé en France, je suis à la troisième société, troisième entreprise créée en France. Créé en France, troisième entreprise. Troisième entreprise. J'étais à Dubaï récemment pour les problèmes de santé. J'en ai créé également avant de quitter là-bas pour venir. Parce que quand j'arrive, je regarde toujours qu'est-ce que je peux faire ici. Qu'est-ce que moi je peux faire ici. Oh, c'est pourquoi. Vous là, je ne sais pas comment ou bien prendre ma tête et poser sur vos têtes. Tu ne fais que combattre, lutter. Il faut que moi je vais être embauché à la BIAP. Voilà ce que toutes les filles au Cameroun, tous les garçons au Cameroun, j'ai déjà travaillé à la BIAP. On te dit que BIAP c'est quoi? Un gars qui commence aujourd'hui, qui commence. Moi j'avais un petit magasin à Pointe-Noire, des produits bio. Oh, par jour je faisais... des rentrées de 3 millions de francs CFA par jour dans mon magasin des produits bio à Pointe-Noire seulement. Adam en 2006, 2007. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin. C'était par jour comme ça, je faisais des rentrées de 3 millions de francs CFA. De 3 millions de francs CFA par jour, c'était pas par semaine. Et toi, tu reviens là me dire, ah oui, voilà, va travailler pour faire quoi avec un travail? Vraiment, c'est l'heure de la révolution, la révélation, la révélation. Toujours, il y a ceux qui se battent pour un petit, la retraite a fait ceci, la retraite a fait ceci, je vais assurer mon derrière, il faut que je sois fonctionnaire, il faut que je sois... un lavage de cerveau que je n'ai jamais vu, qu'on a fait aux Camerounais, aux pays francophones là. Ils sont là-dedans, seulement gros crayon. Il faut entendre le français qui sort de sa bouche, l'anglais qui sort de sa bouche. On dirait que français, un français de Gaulle qui appartient à la famille de Gaulle. Mais les poches sont vides. Mais les poches sont vides. Quand il monte à la télévision, il te dit je suis intellectuel parce qu'il parle bien français. Mais tu crois que tu es intellectuel, tu n'es pas intellectuel, tu es l'homme le plus pauvre du monde entier. Je dis l'homme le plus pauvre du monde entier, parce que pour avoir 1 million, il faut d'abord détourner, voler. Tous les milliardaires qui sont dans mon pays sont des voleurs, des détourneurs, ou bien ceux qui font des sacrifices à Satan. La grande majorité des entrepreneurs, pardon, des milliardaires ne sont jamais des industriels. Où sont les industriels au Cameroun? Où sont les grands entrepreneurs? Et entrepreneur au Cameroun, le cachet dans le sac, bureau, c'est dans son sac. Il fait des faux marchés, des faux marchés, des faux marchés pour détourner l'argent de l'État. Voilà ce qu'on appelle entrepreneur chez nous. On commence à parler gros français pour attirer les petites filles de part et d'autre. Et tout cela, vous êtes dans la pauvreté. Quand on te parle de Jésus, tu dis non, Charlie Zomba, c'est qui? Tu peux rivaliser Charlie Zomba. Regarde-moi quelqu'un. Tu peux rivaliser Charlie Zomba. Je prends l'évangile, mais je suis entrepreneur de quelqu'un qui, si j'étale ce que je fais, toi, tu vas fuir. Tu ne peux même pas s'asseoir sur la chaise d'où je suis assis, toi, là. Tu viens là, tu ouvres ta bouche, toi, tu gagnes petit 500 000 francs par mois. Donc, je me dis, ouvre la bouche, je dis. Les pasteurs doivent t'attendre. Toi, tu peux travailler plus que tu. Moi, je travaille nuit et jour aujourd'hui. Nuit et jour. J'ai fini de prêcher. J'entre dans mon bureau parce que j'ai des bureaux dans ma maison, des bureaux dehors, des bureaux partout. J'ai fini de prêcher. Je commence à travailler pour mes entreprises. Et toi, tu travailles quoi? Je prêche, je fais des délivrances, je fais ceci, et puis tu ouvres la bouche sur les serviteurs. Je ne suis pas serviteur de Dieu comme les autres, s'il vous plaît. Donc, je dis à tous mes enfants, travaillez. Et celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Beaucoup de chrétiens s'attendent toujours au miracle. Miracle, miracle, miracle le matin. Un pasteur qui ne fait que parler du miracle sans t'envoyer travailler, celui-là est un menteur. Parce que la Bible dit, Dieu a ordonné à tous ses enfants de travailler. Le premier était Adam avant la chute. Et Dieu a dit à Adam, tu dois travailler. Et chaque pasteur doit amener ses enfants à travailler. C'est pourquoi les pays francophones, là, les églises francophones sont dans la misère, sont dans la pauvreté, que miracle, on prêche ceci, miracle, je vais mettre l'argent dans tes poches, et vos comptes bancaires seront remplis d'argent, c'est le mensonge, il faut travailler encore, physiquement, et là, la bénédiction, Dieu bénit l'œuvre de tes mains, Dieu ne bénit pas tes propres mains, mais il bénit l'œuvre, il bénit ton entreprise, et Dieu ne dépose pas la bénédiction sur toi, il dépose la bénédiction sur tes entreprises, s'il vous plaît. Ce sont les Dieu bénit les entreprises. Il dit, je bénis l'œuvre de tes mains. Si tu seras béni dans les champs, tu seras béni en ville. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est important. C'est important, important, important, important, important. J'ordonne à tous mes enfants spirituels de se mettre à crier, à crier, à crier, à crier. Je suis intellectuel, je travaille dans telle boîte, je travaille ceci avec ton petit salaire. Est-ce que tu peux donner 1 million d'euros à Dieu un jour? Avec ton petit salaire, tu peux donner 1 million de francs à Dieu un jour? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et quand un pasteur parle d'argent, tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Parce que tu es pauvre. Au Nigeria, j'ai vu des gens danser. Au Ghana, j'ai vu des gens chez les anglophones danser pour aller donner à Dieu. Mais chez les francophones, on se fâche quand on parle d'argent. C'est de l'escroquerie parce que vous êtes pauvre. Pauvreté, pauvreté en esprit, pauvreté matérielle, pauvreté financière, pauvreté, pauvreté, pauvreté, pauvreté partout. C'est à cause de la pauvreté que l'évangile, vous appelez ça évangile de prospérité. Alors, où est-ce? Donc, il y a l'évangile de pauvreté. Donc, il y a l'évangile de pauvreté, évangile de prospérité. Vous voyez comment vous êtes pauvre. Pauvre même dans la réflexion. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Qui Jésus? Il a pris la pauvreté sur lui et il nous a donné la prospérité. Et mais moi, je ne peux pas me lever un de ces 4 matins pour parler de pauvreté aux gens, pour prêcher la pauvreté aux gens. Allez dans les églises, on vous prêche la pauvreté, mais pas dans l'église où moi je prêche. Moi, je prêche le vrai évangile, celui de la prospérité spirituelle, matérielle, financière. La première prospérité se manifeste lorsque tu mets les pieds dans le royaume des cieux, dans la nouvelle naissance. Et quand tu commences à travailler avec crainte, et tremblement pour ton salut, c'est ça la vraie prospérité. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez alors? Je veux l'argent. Il me donne l'argent parce que je suis déjà dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux la santé. Il me donne la santé parce que j'ai déjà le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu veux encore, monsieur Charlie Zomba? Je veux également une belle femme parce que je suis célibataire. Il te donne une belle femme. Un beau mari riche parce que tu es célibataire. Il te donne un beau mari. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Il n'a pas dit, vous voulez la pauvreté, Jésus n'est pas venu pour donner la pauvreté aux gens, s'il vous plaît. Arrêtez de parler de l'évangile de prospérité comme s'il y avait un évangile de pauvreté. C'est vous qui prêchez l'évangile de pauvreté et vous irez en enfer avec votre évangile de pauvreté. Mon Jésus à moi, des riches qu'il était, s'est fait pauvre pour m'enrichir. Il a pris mes maladies, il a pris également ma pauvreté, il a pris également ma misère. Et vous, au contraire, vous êtes une race élue, dit Pierre, un sacerdoce royal. Et puis vous me parlez de quoi? Évangile de prospérité. On sait qu'il aime prêcher l'évangile, mais vous vous excusez parce que vous êtes des fainéants. Vous n'aimez pas travailler. Vous êtes des fainéants, vous n'aimez pas travailler. Et quand on parle d'argent, ça vous énerve. Mais il faut travailler. Moi, je dis aujourd'hui, ici en Europe, trois entreprises. Vous vous rendez compte? J'ai une holding. Qu'est-ce que ça veut dire, holding? Ça gère d'autres entreprises ici en Europe. Et je crée également ailleurs. Moi, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Je ne prêche pas seulement l'évangile. Et je parle du Congo, Brazzaville. J'ai vécu à Pointe-Noire en 2006, 2007. J'ai créé une entreprise. Partout où j'arrive, j'ai créé. Je suis parti en Centrafrique, j'ai créé. Je suis parti en Hongrie, j'ai créé. J'ai créé. En Hongrie, j'ai créé. Ouvrez encore vos bouches. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas la personne, vous ouvrez vos bouches comme des WC traditionnels du village là, qui sentent tellement mauvais que, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de venir insulter les serviteurs de Dieu, c'est des escrocs, c'est ceci. Tu as quoi? On t'escroque que tu as quoi? Tu as d'abord quoi? Tu as d'abord quoi? Avec ton petit salaire de 1500 euros, de 1800 euros, tu as quoi? Tu n'as rien. Alors arrête de parler d'escroquerie, tu ne connais même pas la personne qui est devant toi, tu commences à dire c'est des escrocs, c'est ceci, c'est cela, n'importe quoi. Arrêtez d'ouvrir vos bouches sur les gens que vous ne connaissez pas du tout, leur identité, d'où ils viennent et d'où ils partent. Il faut tout simplement se mettre à jour avec le Seigneur, il dit de travailler. Un serviteur de Dieu doit travailler, un enfant de Dieu doit travailler. On ne doit pas vous parler miracle. Il n'y a pas de miracle sur l'argent. C'est le miracle que lorsque je donne à Dieu, il bénit mes entreprises. Alors, si toi tu donnes et que tu n'as pas d'entreprise, Dieu va bénir quoi? Il ne va pas bénir une entreprise d'où tu travailles parce que le patron de cette entreprise est d'abord un sataniste. Et Dieu va bénir cette entreprise parce que toi tu travailles dedans. Mais il faut voir. Parce que je travaille dans une entreprise d'un païen, et ce païen-là n'a jamais donné la dîme à quelqu'un, à Dieu. Ce païen ne donne aucune offrande à Dieu. Ce païen insulte même Dieu, critique Dieu. Il te persécute même, toi qui vas danser dans une église. Il te dit que si tu continues à aller, je vais te renvoyer. Et tu vas même à l'église en cachette à cause de ton patron païen. Et c'est là-bas que tu travailles. Que tu travailles chez lui. Et Dieu va bénir. Dieu va bénir l'entreprise de ce païen-là. Mais arrêtons-nous quand même, dis la vérité. Si toi tu n'as rien entre les mains, tu vas mourir de pauvreté. Tu vas mourir de pauvreté. Commence à utiliser ton salaire, garde, et tu crées une entreprise. C'est pas difficile de créer une entreprise. Renseigne-toi. Et si tu n'es pas encore formé, va te former. Il y a des croyants ici en Europe qui ne parviennent pas à s'instruire. Moi, je suis entré depuis 3 ans, 4e année où je suis en Europe, dans 3 écoles de formation. Je suis en train d'étudier la nutrithérapie, la naturopathie, l'architecte d'intérieur. Vous le savez, architecte d'intérieur. Vous savez ce que ça veut dire? Et je suis ces cours au centre de formation européen aujourd'hui. Aujourd'hui, l'architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur. Et comment gérer les sociétés? Et demain, tu vas voir que je gagne de gros marchés, des centres commerciaux, de ceci, des immeubles, ceci. Et puis tu vas dire, c'est l'argent du diable parce que tu es jaloux. Mais moi, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. J'étudie. À mon âge, j'étudie. Et je travaille, société. Je travaille pour le Seigneur. Je te donne exactement ce que je suis en train de faire. Ce que moi, je suis en train de faire. Mais quelqu'un vient avec sa bouche qui sent tellement mauvaise pour insulter les serviteurs de Dieu qu'il n'a jamais brossé parce qu'il n'a même pas 1 euro pour acheter et une pâte, une simple pâte. Il ouvre cette bouche qui sent tellement mauvaise comme des vieux WC traditionnels de mon village là que mes ancêtres utilisaient auparavant. Et puis il ouvre ça et commence à insulter les serviteurs de Dieu parce qu'on se laisse insulter n'importe comment. Et pour ça, et arrêter. Je ne peux, moi, je ne pourrais plus arrêter, laisser un fou comme ça m'insulter n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu ne peuvent jamais défendre leurs parents. Jamais leurs parents spirituels. Ils sont là, ils ont seulement la bouche juste, ils regardent. Et eux-mêmes, ils insultent. Eux-mêmes, ils insultent. L'argent a fait ceci, l'argent là, c'est les habits de sa femme là, c'est moi, c'est mes dîmes, c'est ceci. Qui t'a dit que ce sont tes dîmes? Qui t'a dit que ce sont tes dîmes? Qui t'a dit? Qui t'a dit que ce sont tes dîmes? Qui t'a dit que ce sont tes offrandes? Allez raconter ça à d'autres personnes. Allez raconter cette bêtise à d'autres personnes, je vous le dis. Donc, il faut d'abord que chaque enfant de Dieu puisse comprendre que je dois créer une entreprise qui m'appartient, qui est à moi. L'œuvre de mes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Tu pourras faire de ton argent ce que tu veux. De ton argent ce que tu veux, c'est ton argent. Et tu ne vas plus vivre en calculant. Avec calculatrice, tu n'as même rien à donner comme dîme. Et tu commences à aimer aussi les prédications où on contredit la dîme parce que tu es pauvre. Vous savez, tous ceux qui n'aiment pas entendre parler de dîme, tu vas voir que ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres, des misérables qui n'aiment pas et qui viennent insulter les pasteurs et la dîme n'est plus biblique parce qu'ils ne veulent pas donner. Ça lui fait mal au cœur quand il enlève, par exemple, s'il gagne 1500 euros, il va enlever 150 euros pour donner la dîme. Ça lui fait tellement mal. Et quand il trouve un autre sorcier fainéant paresseux qui vient sur les réseaux sociaux, commence à saboter les serviteurs de Dieu et vous donnez les dîmes, pourquoi la dîme n'est pas biblique, et dit voilà, c'est un vrai serviteur de Dieu. Alors que c'est un menteur, un agent de Satan. Et vous aimez ce genre de bêtises, vous la serrez, et vous dites toujours, oh oui, l'homme de Dieu doit me bénir, et je vais l'écouter, il va me bénir. On ne bénit personne en parole. Il n'y a pas de bénédiction en parole, s'il vous plaît. C'est là que tu poses la semence que tu sèmes, que tu récoltes. Tu ne peux rien récolter si tu n'as pas semé. Alors, tu as semé et que tu n'as pas une entreprise, Dieu va faire comment pour te donner une bonne récolte? C'est ça le problème. Il y a des gens qui disent, depuis moi je dépense l'argent, hein, j'ai donné les dîmes, j'ai donné les offrandes. Et tu travailles dans la société d'un sorcier, d'un sorcier. Et puis tu commences à dire, j'ai donné mon argent dans cette église. Et puis Dieu va bénir, est-ce que Dieu va bénir l'entreprise de ce sorcier d'où tu travailles? Dieu va faire comment pour te bénir? Il va faire comment? Il n'a pas de moyen pour te bénir. Le seul moyen que Dieu peut utiliser, où tu peux vérifier si tu es béni ou pas, c'est ton entreprise à toi. Ce n'est pas un salaire. Parce que pour donner un grand salaire à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter ses catégories et aussi ses échelons. Et nous sommes dans un monde où tout est réglé par Satan. Tout est réglé par Satan. Toutes ces entreprises fonctionnent avec un pouvoir satanique démoniaque. Alors, Dieu va commencer à toucher le cœur de ton patron pour te mettre 10e, 15e, 20e catégorie ou échelon combien? Sans toutefois se justifier, sans toutefois dire que. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Tout ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de créer ton entreprise. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Commence à le faire. Partage cette vidéo. Partage largement cette vidéo. Arrête de penser que les bénédictions vont entrer dans tes poches ou bien dans le compte bancaire. Ce que les faux prophètes viennent vous raconter. Ah oui, Dieu m'a montré que voilà, tu vas trouver 1 million d'euros ou 10 000 euros, 5 000 euros dans ton compte bancaire demain. C'est de la fausseté. Ça, c'est de la duperie et ça, c'est aussi du mensonge satanique. Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Il ne se contredit pas. Il dit, celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Et comme les Africains aiment gagner de l'argent sans travailler, c'est pourquoi ils croient à ce genre de message facilement. L'Africain n'aime pas travailler. C'est pourquoi il y a la corruption qui évolue chez nous, il y a la magie qui évolue également chez nous par la puissance satanique, tu vois. Donc il y a quelque chose que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est travailler et créer vos propres entreprises et Dieu fera quelque chose pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous accorder une longue vie par l'autorité de Jésus-Christ. Ne fêtez pas Noël, Noël n'est pas biblique, pas du tout, c'est pas biblique. Partagez cette vidéo et vous savez, Ce dimanche-ci, c'est un culte spécial. Au Temple des Nations à Paris. Temple des Nations à Paris. 4 rues des Gaillards, 95, 140, Garges Lyonnaises. Et vous avez aussi notre grand séminaire qui va se tenir ce mois de février 2020, le 7, 8, 9 février, vendredi 7, samedi 8 et dimanche également. 8, dimanche 9. Donc vendredi matin à partir de 8h jusqu'à 18h, samedi matin 8h à 18h, et également vendredi dimanche de 9h, de 8h pardon, à 13h. Et puis, soyez des nôtres, venez à ce grand séminaire d'une manière spéciale et vous allez voir notre Dieu qui va agir dans votre vie et d'une manière particulière. Il y aura également beaucoup, beaucoup de délivrances. Beaucoup de manifestations sataniques au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'il y a un culte spécial ce dimanche à Paris et également la traversée, une grande traversée au Cameroun. Donc le 31, et je dois prendre part à cette grande traversée. Et c'est justement pour cela qu'il n'y a pas culte la traversée à Paris. Mais dimanche, ça sera notre traversée. Une traversée spéciale ce dimanche à partir de 9h à Paris. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.